Lettre 81e, Marcius Alpinus à Lucius Scribonianus. Césarée, mars 303. Les Euménides ont-elles créé cet Agathoclès pour me punir de mes fautes? N'existe-t-il que pour se trouver sur mon chemin? Son exaltation, sa vanité et la faiblesse paternelle, tout s'est réuni pour renverser un plan bien mieux imaginé que son âme rétrécie n'en eût été capable. Son père lui a pardonné, et tout ce que je fais pour les brouiller à jamais est réduit à rien par ce qu'il appelle l'amour filial. Et Gésippus a consenti à son mariage avec Larissa, et même à les recevoir chez lui, sous la condition qu'il renoncerait à tout droit à son immense fortune. Et qui pourrait croire un tel degré de démence? Agathoclès y a consenti, et cédé sans peine un héritage de plus de 100 talents, pour épouser une femme qui n'a rien au monde qu'une figure de fantaisie, tandis qu'il aurait pu facilement épouser la belle Calpurnie, joindre au trésor de son père une partie de la grande fortune du proconsul, et s'en faire un ami dans ces temps orageux. Lorsque j'eus la certitude que Théophanie vivait à Nicomédie dans la même maison qu'Agathoclès, et que je pus compter sur mes doigts la fin de ce roman, je résolus de faire ce que je pourrais pour empêcher que le mariage ne se conclût. D'abord, l'essentiel était de le renvoyer jusqu'au moment où il me serait facile de le rompre à jamais, et de m'assurer de la possession de Théophanie, dont la tête me tourne en mesure des difficultés que j'éprouve. Faudra-t-il donc y renoncer, parce qu'elle est la femme de l'homme que je déteste? C'est un stimulant de plus, et il paiera cher, j'espère, le bonheur de la posséder avant moi et toutes les contradictions qu'il me fait éprouver. Et Gésippus est âgé, d'un de ses richesses, aimant le plaisir comme un jeune homme, et par conséquent assez facile à conduire. La morale sévère des chrétiens doit lui être plus odieuse encore qu'à un autre, et lorsqu'il apprit que son fils l'était, il le maudit dans le premier accès de la colère. Je le sus et j'établis mes batteries en conséquence avec prudence et succès. J'eus soin d'attiser son courroux en lui répétant sans cesse que son fils aurait pu parvenir à tout s'il n'avait pas partagé les erreurs de cette secte abhorrée. À la nouvelle du danger de ce fils unique, je surpris en lui des regrets de sa dureté et le désir d'aller le voir. Mais je lui fis comprendre combien il exposerait sa renommée auprès de la cour s'il allait dans cette maison de chrétiens et s'il reconnaissait son fils au moment où il venait de se rendre rebelle aux ordres de l'empereur. Je parvins à l'engager de ne faire aucune démarche publique, mais je ne pus l'empêcher d'envoyer tous les soirs un esclave, sous un nom supposé, pour s'informer de la situation de son fils. Je consentis à cette folie, n'y voyant aucun inconvénient, puisqu'Agathoclès devait ignorer l'intérêt que son père prenait à lui. Mais je vois à présent qu'avec les esprits faibles et vacillants, il faut faire attention même aux choses les plus indifférentes. Et Gésippus prenait ainsi l'habitude de s'occuper journellement de son fils. Il eût été plus prudent de le lui faire oublier. Quelques semaines venaient de s'écouler lorsque Constantin se fit annoncer chez Gésippus. Il fut flatté à l'excès de cette visite. Le prince l'implora pour son ami et le conjura de lui donner sa bénédiction et son consentement à son mariage avec la veuve du général Démétrius. Le vieillard fut attendri et flatté. Connaissant le caractère ferme de son fils, il ne s'était pas tendu à tant d'amour et de soumission de sa part. Disons aussi qu'Agathoclès n'avait pu choisir un meilleur ambassadeur, le fils d'un César se présentant comme ami intime de son fils et comme un client devant l'homme le plus vain. Heureusement, le faible vieillard, à demi vaincu, eut assez de présence d'esprit pour ne pas dire oui au moment même. Il promit de donner le lendemain sa réponse. Dès que Constantin fut parti, il me fit appeler et je fus confondu. Qui aurait jamais imaginé que le fier Agathoclès, qui n'a jamais cédé à personne, s'humilierait devant son père et solliciterait son pardon? J'essayais encore d'engager ce dernier à tout refuser, mais il m'alléguait sans cesse la peine que le prince Constantin s'était donnée et son amitié pour Agathoclès, dont l'honneur rejaillissait sur lui. Je parvins cependant à lui faire sentir l'inconvenance que son immense fortune fut employée à soutenir une secte prohibée, qu'il détestait, qu'il méprisait, et qu'il lui avait fait l'affreux chagrin de séduire son fils unique. Je lui conseillai d'accorder son consentement sous la condition qu'Agathoclès renoncerait formellement à toute prétention sur les biens de son père. Certes, je ne pouvais supposer qu'il accepterait une condition aussi dure, et moins encore que la dévote Théophanie consentit jamais à lui donner sa main. sans le consentement d'Hégésippus. Je détruisais donc ainsi l'effet inattendu de la visite et de la médiation de Constantin. J'élevais entre tous une difficulté qui me semblait insurmontable et je commençais à me livrer à l'espérance. Mais le fanatisme de cet homme inconcevable va renverser tout mon édifice. À l'instant même, et sans balancer une minute, il signa l'acte de renonciation. Le vieillard en fut étonné et touché. Il rappela son fils avec la plus vive tendresse et combla sa charmante belle-fille des plus beaux présents. Cherchant de cette manière à éluder la condition que lui-même avait prescrite. Que ces êtres faibles et sans tenue sont méprisables. Je dois convenir que dans cette occasion, Agathoclès a été plus adroit que moi. Il ne pouvait mieux agir pour me déjouer, si du moins c'était son idée. Il espère peut-être que par une soumission entière et des soins assidus, il gagnera son père au point de l'engager à se rétracter, mais j'aurai soin qu'il ne réussisse pas dans ce projet. Le Sippus, neveu d'Hégésippus, son héritier naturel s'il meurt sans enfant, ou si la renonciation d'Agathoclès subsiste, est instruit par moi de tout ce qui s'est passé, et 100 talents d'or au moins qui lui tomberont en partage valent bien la peine de faire la cour à son oncle et d'envenimer sa haine contre les chrétiens. Ce n'est plus seulement ma jalousie contre Agathoclès qui cause mon aversion et mon désir de vengeance contre cet être odieux. Il m'a insulté, il y a 3 jours, d'une manière si violente que sa vie même serait une faible expiation à mes yeux. Patience, le temps me fournira les moyens de me venger. Jusque-là, tout restera tranquille en apparence, et la rage concentrée dans mon âme n'en éclatera que plus violemment. Apprends combien elle est motivée. Tu sais que depuis ma rencontre fortuite avec Calpurnie, je m'étais rapproché d'elle. Belle, riche, fille d'un père en crédit, elle semblait faite exprès pour moi. Mais comprends-tu son caprice? Moi qui eus tant de succès auprès des femmes, moi dont on citait la belle figure, je me suis vu dédaigné par cet être insensible et frivole. Tout occupée encore d'Agathoclès, elle a osé dire devant moi que cet homme, avec sa physionomie froide et sévère, avait un charme indéfinissable, qu'elle ne connaissait que Tiridate qui put l'emporter sur lui et qu'elle comprenait même qu'il obtint la préférence. J'étais irrité au dernier point et je lui dis que le comble de l'humiliation était d'être dédaigné d'une femme dont Agathoclès n'avait pas voulu. Elle rougit, se mordit les lèvres et depuis ce moment me traita avec une froideur marquée. Je me serais mis au-dessus de cela si j'avais pu me flatter de parvenir à mon but. J'essayai d'un autre moyen pour l'adoucir, qui m'avait réussi avec d'autres femmes. Je feignis de ne pouvoir contenir la violence de ma passion. Oh, pour lors sa colère et son mépris furent à son comble. Elle osa me déclarer que fussé-je sur le trône, elle ne le partagerait pas avec moi. Je lui fis sentir, à mon tour, que sa réputation était en mon pouvoir, que, puisqu'elle me poussait à bout, je dirais ce que je savais. Dès le même soir, je tins parole, et je racontai son histoire et ma rencontre dans une société d'hommes où le vin n'avait pas été ménagé. 2 jours après, on m'annonce Agathoclès. Je crus que l'esclave se trompait de nom. C'était vraiment lui. Son regard et son attitude annonçaient une froide arrogance. Que cette espèce d'homme nomme vertu et dignité. Il m'interpella d'un ton insolent sur ma conduite à l'égard de Calpurnie. Les dieux savent de quelle manière il en est instruit, car ce jeune homme sévère, ou peut-être hypocrite, ne se permet aucune relation avec les libertins, comme ils nous appellent, qui composaient le souper où j'avais parlé de Calpurnie. Mon sang bouillonnait. Je me contins avec peine pour lui demander tranquillement quel droit il avait de s'en informer et de contrôler ma conduite. Alors Sardiès ne connut plus de bornes. Du ton le plus ferme et le plus hautain, il parla de ce qu'il appelait une méchanceté révoltante, qui ne prouvait que la haine et la vengeance et me rendait seul méprisable. Il parla de Calpurnie avec l'expression du respect et du sentiment. « Je m'honore de son amitié, me dit-il, et je soutiendrai l'honnêteté de son cœur et la pureté de sa conduite au péril de ma vie. Mais, me fût-elle moins chère et respectable, et lors même que je ne la connaîtrais pas, il n'en est pas moins du devoir d'un honnête homme de protéger son prochain contre une abominable malice qui peut attaquer son honneur, etc., etc. » Ma patience était à bout. Je l'interrompis et lui déclarai que ses insultes et son verbiage m'étaient à charge et que je n'étais pas disposé à les souffrir. Alors il s'avança d'un pas et me jeta un regard que je ne pus me rappeler sans frémir. « Marcius, me dit-il, est-ce bien toi qui oses me parler ainsi ? Ignores-tu qu'il est en mon pouvoir de te perdre ? Il commença à me parler de différentes choses que je croyais ensevelies à jamais. Il les savait avec des circonstances qui m'ont fait frémir. Sont-ce les furies qui m'ont trahi? Constantin a-t-il découvert par la force de son génie ce que j'ai tenu si soigneusement caché? Des gens dont je me croyais sûr m'ont-ils trahi? Les dieux seuls le savent, mais quoi qu'il en soit, il sait toutes mes actions, tous mes projets, et je dois le craindre et le ménager. Grinçant les dents de colère, il fallut lui promettre de rétracter ce que j'avais dit contre Calpurnie, de déclarer que c'était une lubie de mon imagination et de ne plus m'approcher d'elle. « Je vous donne seulement ce jour, Marcius, » me dit-il en sortant. « Si demain Calpurnie n'est pas pleinement justifiée, c'est moi qui parlerai. » Il sortira, et le même soir, j'eus la honte de me dédire, de justifier mon ennemi, d'obéir à mon ennemi, et la rage dans l'âme, je quittai Nicomédie, et je vins à Césarée. Mais par tous les dieux, Agathoclès ne doit pas être initié dans mes affaires et m'avoir menacé impunément. Je m'en vengerai, reçois-en le serment. Mais quand et comment? Le sort en décidera, et sa tête en sera le prix. Il apprendra à son tour à me craindre. Adieu, Scribonianus.